Je crois pour arriver, on a charbonné. Comme si ce que j'avais, je n'avais pas mérité. M'en veux pas, mais c'est Dieu qui m'a donné. Tout pour tout sur la main sous tourner. Je démarre comme si je t'avais volé. Mon besoin, histoire de s'évader. Mais pourquoi tu m'en veux, c'est Dieu qui m'a donné. Je suis désolé, mais faut pas jalouser. Tu fais comme Adore, mais ouais, j'ai charbonné. Oh là là, là, je suis fatigué. Ouais, ta famille, on dit quoi? Tu jappes sur mon dos tous les mois, mais tu t'es abonné. Ouais, ta famille, on dit quoi? Si tu dis à pas tes caquettes, je te décris de voler. Non, me dérange pas, je suis au charbon, tu fais pas ta rosa. Non, me dérange pas, je suis au charbon, tu fais pas ta rosa. J'ai grandi dans le bendo, où nos mamans nous portent sur le dos. On a grandi dans le bendo, où nos mamans nous portent sur le père du poids. Malgré ça, je ne plie pas, je pète la forme. Tant que j'ai le front sur le pit, t'as ami, je soif. Dites-moi un verre de pizza. Je vais faire des chins, tout raflé comme ma kid. Gros big up au Ghana, les cousins de Dakar, les danseurs du Congo, les richesses du Mali. Pour Comore et ses îles, les otages en Libye, les diamants du Zaïre, mon Afrique est magique. Et pourquoi tu m'en veux, c'est Dieu qui m'a donné. Je suis désolé, mais faut pas jalouser. Tu fais comme Adore, mais ouais, j'ai charbonné. Oh là là, là, je suis fatigué. Ouais, ta famille, on dit quoi? Tu jappes sur mon dos tous les mois, mais tu t'es abonné. Ouais, ta famille, on dit quoi? Si tu dis qu'à pas tes caquettes, je te décris de voler. Non, me dérange pas, je suis au charbon, tu fais pas ta rose.